Premier livre des Chroniques, chapitre 19. Or il arriva après cela que Naroi des enfants de Hamon mourut, et son fils régna en sa place. Et David dit, j'userai de gratuité envers Hanun, fils de Naa, car son père a usé de gratuité envers moi. Ainsi David envoya des messagers pour le consoler sur la mort de son père, et les serviteurs de David vinrent au pays des enfants de Hamon vers Hanun pour le consoler. Mais les principaux d'entre les enfants de Hamon dirent à Hanun, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'a envoyé des consolateurs, n'est-ce pas pour examiner exactement et épier le pays, afin de le détruire, que ses serviteurs sont venus vers toi ?» Hanun donc prit les serviteurs de David, et les fit raser, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'aux hanches, puis il les renvoya. Et ils s'en allèrent, et le firent savoir par le moyen de quelques personnes à David, qui envoya au-devant d'eux, car ces hommes-là étaient fort confus. Et le roi leur manda, « Demeurez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe soit recrue, et alors vous retournerez. » Or les enfants de Hamon voyant, qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de David, Hanun et eux envoyèrent 1000 talents d'argent, pour prendre à leur dépens des chariots et des gens de cheval de Mésopotamie, et de Syrie, de Maaca, et de Tsoba. Et ils levèrent à leurs frais pour eux 32 000 hommes, et des chariots, et le roi de Maaca avec son peuple qui vinrent, et se campèrent devant Medeba. Les Ammonites aussi s'assemblèrent de leur ville, et vinrent pour combattre. Ce que David ayant appris, il envoya Joab, et ceux de toute l'armée qui étaient les plus vaillants. Et les enfants de Hamon sortirent, et rangèrent leur armée en bataille à l'entrée de la ville, et les rois qui étaient venus, étaient à part dans la campagne. Et Joab voyant que l'armée était tournée contre lui, devant et derrière, prit de tous les gens d'élite d'Israël, et les rangea contre les Syriens. Et il donna la conduite du reste du peuple à Abisaï son frère, et on les rangea contre les enfants de Hamon. Et Joab lui dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras me délivrer, et si les enfants de Hamon sont plus forts que toi, je te délivrerai. Sois vaillant, et portons-nous vaillamment pour notre peuple, et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Alors Joab et le peuple qui était avec lui s'approchèrent pour donner bataille aux Syriens, qui s'enfuirent de devant lui. Et les enfants de Hamon voyant, que les Syriens s'en étaient fuis, eux aussi s'enfuirent de devant Abisaï frère de Joab, et rentrèrent dans la ville, et Joab revint à Jérusalem. Mais les Syriens, qui avaient été battus par ceux d'Israël, envoyèrent des messagers, et firent venir les Syriens qui étaient au-delà du fleuve, et Sophach capitaine de l'armée d'Adarézé les conduisait. Ce qui ayant été rapporté à David, il assembla tout Israël, et passa le Jourdain, et alla au-devant d'eux, et se rangea en bataille contre eux. David donc rangea la bataille contre les Syriens, et ils combattirent contre lui. Mais les Syriens s'enfuirent de devant Israël, et David défit 7 000 chariots des Syriens, et 40 000 hommes de pied, et il tua Sophach le chef de l'armée. Alors les serviteurs d'Adarézé voyant, qu'ils avaient été battus par ceux d'Israël, firent la paix avec David, et lui furent asservis, et les Syriens ne voulurent plus secourir les enfants de Hamon.